C'est la course des gouttes sur les vitres du train. C'est la course des gouttes sur les vitres du train. Je m'en aperçois vite, je pose mon bouquin. Et sur les pages écrites, c'était la course des mauvais. Je suis un peu déconfite depuis ce matin. Alors si je passe vite sur les lignes de ma main, mais c'est la course des gouttes sur les vitres du train. C'est la course des gouttes sur les vitres du train. Je déchiffre ces notes comme des gouttes de chagrin. Je déchiffre et je note un temps de chien. La musique se frotte aux parois de l'engin. Et plus mes idées trottent, plus mon voyage se plaint. Car c'est la course des gouttes sur les vitres du train. C'est la course des gouttes sur les vitres du train. Je pose mon nez contre la vitre. Je colle la vitre sur mon nez. Les gens se disent à juste titre. Oh, on dirait qu'elle a les yeux mouillés. C'est vrai car c'est la course des gouttes sur les vitres du train.